Trap on new design, cause you new design. Trap on new design, trap on new design. Bitch, puta madre, fuck you for design. Designer. Trap on new design, cause you new design. Trap on new design, trap on new design. Bitch, puta madre, fuck you for design. Designer. Gucci, Louis, Prada, Puma, and my mama. Niggas fond of drama, bitches fond of drama. Jump sur le beat, jump bang, smoke la ganja. Toujours nouvelle puce, la nouvelle funk, pour moi ça va. BVS danse comme Shakira, waka waka. Designer mask, un sorti, un chapa. Ma traduit est le bon Dieu, m'abandonne en jamais. New designer sur moi, sauce gâte, moi tu fâle. Designer ganja dans mon gagne. Fucking bitch avec un sac en faux designer. Comment tu trouveras que tu fais blagueur? Designer. J'mets du new design, cause you new design. Trap on new design, trap on new design. Bitch, puta madre, fuck du faux design. Designer. J'mets du new design, cause you new design. Trap on new design, trap on new design. Bitch, puta madre, fuck du faux design. Designer. Yeah, Nike Off-White et mon t-shirt et ma jala. J'ai une Maybach, Testa Rosa ou bien Jaguar. Bitch, on sort le juice et c'est parti pour la bagarre. Niggas ont le blues, cash, j'suis parti derrière Nada. 187, code police dans le radar. Presque sur le coin, mais la coke est dans le placard. Jump sur le beat, John Banks, smoke la ganja. Toujours nouvelle pesa, nouvelle fringue, pour moi ça va. Designer. Trap on new designer. J'mets du new design, cause you new design. Trap on new design, trap on new design. Bitch, puta madre, fuck du faux design. Designer. J'mets du new design, cause you new design. Trap on new design, trap on new design. Bitch, puta madre, fuck du faux design. Designer. Oh, designer.